Chapitre 21e. Les mois passaient à une vitesse folle. Jérémie toujours dans son labo, mais plus souvent avec ses enfants. Il enseignait tous les jours à sa fille toutes sortes de choses. Il était proche de son fils et l'encourageait du mieux possible. Ron avait cessé ses recherches peu de temps après la découverte du remède contre le cancer. Il mettait désormais toutes ses forces dans la bataille pour intégrer un grand orchestre symphonique. Mais il avait encore bien du chemin à faire pour y arriver, à être premier violon. C'était son désir le plus intense. Il pensait malgré tout bien souvent à son amour perdu. Lorsque la tristesse le prenait, il s'enfonçait dans le grand parc et marchait jusqu'au promontoire. Là, il s'asseyait sur un banc face à la mer et, avec son violon, laissait la douleur s'échapper de ses doigts. À presque 26 ans, il devait passer le plus important concours de sa vie dans quelques semaines. Et si Elrine ne l'avait pas laissé tomber, que serait-il devenu? Et dire qu'il avait l'intention de lui demander de l'épouser pour de bon. Ils en avaient parlé en riant bien des fois. Se fourvoyer autant sur cette femme l'avait pratiquement anéanti. Il se souvint de sa tentative de suicide et finit par la maudire. Non, elle n'en valait pas la peine. Briser une vie lui aurait peut-être fait plaisir. Peut-être avait-elle joué avec ses sentiments. Elle l'avait pris pour un gamin de riche, stupide et pas digne de confiance. La blessure resterait quand même à jamais sur son cœur. Sa petite sœur, quant à elle, s'épanouissait comme une rose de mai, fraîche, joyeuse, elle faisait le bonheur de sa famille. L'école n'était qu'un passage obligé, disait-elle. Elle militait déjà au lycée contre les grands labos pharmaceutiques qui, disait-elle, ne devaient pas se remplir les poches sans le malheur des gens. Jérémie n'avait jamais plus évoqué ce qu'il avait vécu pendant sa crise cardiaque, mais un beau jour il dut en parler avec sa fille. Cette dernière venait de parcourir un livre du docteur Charbonnier sur la vie après la mort et s'interrogeait. Tu as lu son livre, papa? Oui. Et tu en penses quoi? Jérémie resta pensif un bon moment avant d'ajouter. Je vais te parler de ce qui s'est passé lorsque j'ai eu ma crise cardiaque. Est-ce que tu t'en souviens? Tu étais petite et à 7 ans, je me rappelle. J'ai eu si peur ce jour-là que je ne suis pas près de l'oublier. Je crois que Ron a dit que tu étais mort, mais il a dit vrai. Et il lui narra son aventure. Tu y crois sincèrement, papa? Oh oui. Il y a des choses qui m'ont été révélées à ce moment-là et qui se sont accomplies dans les mois et années suivantes. Comme? La découverte du remède contre le cancer, par exemple? Autre chose? Peut-être, mais je ne dois pas le révéler. Pourquoi? Parce qu'on me l'a demandé. J'ai promis et tout ce qui m'a été divulgué s'est avéré, c'est tout. Allez, dis-moi au moins une chose, une toute petite. Jérémie sourit devant l'obstination de sa fille. T'ont-ils révélé que je serai le chercheur le plus primé au monde? Dit-elle en riant. Non, pas exactement, tu ne suivras pas nos traces. Ton destin est ailleurs, mon enfant, tu es déjà sur la voie. Incroyable. Donc ma destinée, si j'ai bien compris, sera de réveiller les consciences et de les amener à se révolter contre ce système. Je le crois. Très bien, nous verrons ce qui arrivera. Puis changeant de sujet. Tu sais que le docteur Charbonnier fait des séances d'hypnose et qu'il envoie des gens dans l'au-delà? Oui, je le sais. Je ne suis pas certain que ce soit comme ce que j'ai vécu, mais cependant, certaines personnes en reviennent avec des dons, et ils racontent que des prédictions se sont également révélées exactes, même sur long, long terme. D'autres sont revenus complètement guéris. Oui, nous ne sommes qu'au seuil de l'étrange. Mais ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas qu'il faut tout renier en bloc. En tant que scientifique, j'aurais été le premier à le faire, et cependant, après ce qui m'est arrivé. Amour s'approcha de son père et lui passa les bras autour du cou. Tu sais ce qui me console? Dis-moi, mon ange. C'est de savoir que maman et toi, un jour, vous vous reverrez, et surtout que Ron et moi aussi, nous vous retrouverons. D'après ce que tu m'as raconté et tous les récits que j'ai lus, tous relatent la même histoire. C'est formidable d'avoir vécu cela. Oui, c'est réconfortant. Cependant, comme je l'ai toujours répété à ton grand frère, n'oublie pas que chacun d'entre nous a une mission à accomplir ici-bas. Qu'elle soit d'ordre familial ou plus important, il faut qu'elle soit bien faite, avec amour. Ou sinon? Demanda-t-elle soudain inquiète. Eh bien, il hésitait, puis continua. Certaines personnes qui ont fait du mal sont revenues. Revenues? C'est-à-dire? Je ne sais pas trop, mais il semblerait que si tu ne fais pas ce qu'il faut, ou si tu fais du mal, tu reviennes ici, ou peut-être ailleurs, refaire une nouvelle vie. Encore une fois, pour te racheter, en quelque sorte, et accomplir la mission que tu n'as pas réalisée. Cependant, papa, peut-être qu'il ne savait pas. Comme je l'ai dit à ton frère, chacun d'entre nous a une petite voix intérieure qui nous révèle toujours si ce que nous faisons est bien ou mal. Si l'on suit cette voie, même si l'on n'en a pas envie, si on la suit, alors on est dans le droit chemin. J'ai bien compris, mon papounet chéri, et je ferai en sorte de m'en souvenir. Jérémy continuait sans cesse ses recherches sur ce fameux virus, sans succès comme prédit. Ce soir-là, au repas, Ron était fort distrait. « Qu'est-ce passe-t-il » lui demanda-t-il. « Aurais-tu un problème ?»« Non, pas vraiment. Une simple question de doigté m'ennuie, mais j'y arriverai, quitte à demander au plus fameux des virtuoses. »« Ah, mon fils, quelquefois les éclairs de lumière jaillissent lorsqu'on s'y attend le moins. » Jérémy se sentait épuisé. Il décida de rendre visite à Harmony et de se coucher ensuite. Il descendit les marches du perron en titubant légèrement. La fatigue le rendait nauséeux. Il se promit de se reposer les jours prochains. Arrivé à la sépulture, il s'assied comme à l'habitude juste sur le rebord. Mentalement, il lui parla. « J'aimerais tellement être à tes côtés. J'ai fait tout mon possible pendant toutes ces années. Soit avec les enfants, qui désormais peuvent se débrouiller seuls, soit avec la recherche. J'ai l'impression d'être arrivé en bout de course et qu'il est temps que je passe le relais à nos enfants. » Ah, si seulement tu pouvais me répondre, il me tarde d'être avec toi, enfin réunis. » Il sentit une légèreté dans sa poitrine, une espèce de frôlement dans tout son corps. Une légère brume s'éleva et une vague silhouette éthérée lui apparut. Il ressentit un amour si intense qu'il n'eut plus qu'une hâte, partir la rejoindre. Elle tendit une main vers lui et lui effleurant tendrement la joue, il entendit. « Viens, mon amour, il est l'heure. » Il sourit tendrement à sa femme et s'affaissa doucement sur le monument. Le lendemain matin, Ronnie chercha son père dans toute la maison, questionna les époux Morin, puis Amour, qui partaient pour le lycée. Aucun d'eux ne sut lui dire où se trouvait Jérémy. Ron téléphona à la clinique où Gunther ne l'avait pas revu depuis au moins 15 jours. « Bon sang, mais où est-il passé ?» Puis se souvenant que son père disparaissait parfois plusieurs heures pour se recueillir sur la tombe de sa femme, il emprunta le chemin qui y menait. De loin, il vit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il se hâta. Lorsqu'il prit le pouls de Jérémy, il sentit que son corps était déjà froid. Des larmes jaillirent de ses yeux. Il s'assit à ses côtés. « Ça y est, cette fois vous êtes réunis. J'espère que vous êtes heureux. Nous allons continuer sur le chemin que vous nous avez tracé. Même si ce chemin est rempli d'embûches, je sais que vous serez toujours à nos côtés avec votre amour pour nous aider. » Dans les années qui suivirent, Ron intégra le Philharmonique de Berlin en tant que premier violon. Jamais personne ne le revit sourire. Il restait aimable, mais seulement sa sœur et Gunther, le grand ami de leur père, connaissaient la solitude dans laquelle il s'enfonçait peu à peu. Personne encore n'avait pu trouver un antidote à ce fichu virus qui continuait à tuer des centaines de personnes de par le monde. Il s'atténuait cependant depuis quelques années, puis refaisait surface. Amour avait une place prépondérante dans la société et se battait bec et ongles pour apporter le plus de justice aux masses les plus défavorisées. Elle réussissait tant bien que mal. Mais Ron savait que sa petite sœur, tenace comme ses parents, arriverait un jour à rassembler assez de personnes pour changer ce monde. Si elle n'y arrivait pas, elle aurait tout donné. Leur mission serait accomplie, et le jour venu, quelqu'un d'autre prendrait la relève. Un soir, après qu'Amour et lui eurent terminé leur repas, ils prirent le sentier qui menait à la tombe de leurs parents. Se tenant par la main, mentalement, ils eurent la même idée. Un jour ou l'autre, nous vous rejoindrons. Un jour lumineux, nous serons à vos côtés, à jamais, ensemble, dans l'amour absolu, l'amour que vous nous avez prodigué. Fin.